son tape fort. Ça revit sur le dance floor. Cette ambiance j'adore. Allez DJ encore. On bouge son corps sur la piste de danse. Petit à petit on réduit la distance. Les mouvements de la belle m'en sens. Allez, je tente ma chance. Je m'approche d'elle, je lui dis qu'elle est belle. Elle me dit ok, mais te rappas mon fond tel. Génération de beurre. Move your body, move your body. J'ai besoin d'elle.